FrenchPod.com. Attention, il y a un passage piéton. Et alors? Je ne m'arrête que lorsque le feu est rouge. Pourtant, les piétons sont prioritaires. Ralentis. Je connais un raccourci. Je vais le prendre. Tu ne vois pas le panneau sens interdit? Fais demi-tour. Trop tard! Voilà la police! Je vais encore avoir une amende.